Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. On accueillera le président de la Luitre avec une nouvelle chronique improvisation. Laurent Constantin nous donnera son opinion dans son autre voyage au centre du campus et Maxime Tanguy nous proposera de la musique pour étudier dans J'ai-tu le temps pour une chronique. Assemblage requis tout de suite. Je te demande de définir le mot accueil. Accueil? Accueil, comme je l'ai mentionné dans l'intro. Accueil. Ça, c'est quand tu dis accueil en faisant un tête à cueil. Voilà, tout c'est simplement. Réglé. Merci Jean-Philippe Charbonneau. De rien, Mathieu Plante. Toujours en direct à Assemblage requis. On est en direct à partir de 7h30 tous les matins. Donc, ce qui est avant nous autres, c'était d'autres choses. Là, on est live, là. C'est le live. Ça peut pas être autrement qu'en direct dans vos oreilles. Voilà, sur pour votre plaisir. Oui, à de retour d'une fin de semaine qui a eu lieu. Oui, pendant deux jours. Oui, les choses se passent. C'est comme parlons-en. Ça. Parlons-en. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Rien. Moi non plus. J'ai magasiné un peu. OK, moi aussi. J'ai mis mon cellulaire dans du riz. Moi aussi, non, ça c'est pas vrai. Dans du riz? Oui. Il a pris l'eau? Il a pris l'eau. Dans la toilette? Non. OK, où ça? Comment? Oui. Dis, raconte-moi ça. OK, jeudi, il y avait le party mousse. Oui, foam party. Oui, j'ai installé les bannières à 10h. Okay. Après ça, j'ai rencontré un collègue de l'UQTR. On a pris une bière à la Chasse-Galerie. Mm-hmm. Et puis après ça, j'avais des amis qui avaient un kiosque de photos. Donc, je suis allé les voir. Et puis, quand je suis repassé, mon cellulaire a pris l'eau. Ah! Tout simplement. C'est plate. C'est vraiment plate. C'est plate. Mais le riz, est-ce que ça fonctionne? Écoute, il y a eu un délai de 24-36 heures où mon cellulaire a fait des siennes. Mais il a appelé Stéphanie Paradis à 3 heures du matin, genre? Oui, genre à 2h25, exactement. Ouais. Puis je suis allé revoir. Mais c'est genre un pocket call, oui. Mais avec un iPhone, genre chose qui... C'est impossible d'arriver. Il n'y a pas de bouton là-dessus. Ben non, c'est ça. Fait que je comprends pas qu'est-ce qui a pu se passer. J'ai appelé aussi à la maison, chez mes parents. Mes applications bug. Et puis, je suis plein de petits picots là, dans ma vitre. Fait que j'ai essayé le riz. Au moins, le cellulaire marche. Tu sais, il y a eu un bug. Là, genre, il rebootait. Des fois, il s'éteint. Ma batterie est tombée de 100% à zéro. Mais là, ça va. Là, ça va. Je l'ai même passé un petit peu au séchoir à cheveux. Ah oui, hein? Tant qu'à faire. Ben, j'ai tout essayé. Je voulais pas le perdre. J'avais pas envie de payer un nouveau cellulaire là. Non. Ça, c'était un nouveau cellulaire ou pas? Non, il y a déjà un an et quelques. OK, au moins. Et ouais. T'as pas de garantie contre l'eau? Non, je pense qu'il y a personne là. Non, hein. Est-ce qu'AppleCare garantit? Non, hein. Non, AppleCare, c'est pas, il y a pas l'eau. Par contre, des fois, chez la compagnie. Pas l'eau, il travaille là? Pas l'eau. Je pensais que ça faisait longtemps qu'il travaillait plus pas l'eau. Mais l'autre, mettons, tu prends Bell, ouais. Leur plan par mois, qui coûte genre une dizaine de dollars par mois, ça couvre l'eau. Ouais, mais à 10 dollars par mois pendant 3 ans, tu peux t'en payer un nouveau. C'est ça. C'est pas très rentable. Moi, je le conseille pas. Non, mais AppleCare, je le conseille pas. Ouais, ça peut être bien. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai encore mon cellulaire. Il est plus aussi cool qu'avant. Mais peut-être que je vais me payer un 5S sous peu. Peut-être. J'ai encore mon téléphone, mais appelez-moi pas. Non, c'est ça. Mais là, ça marche. Vous pouvez m'appeler. Des fois aussi, quand j'écris, ben là, je te compte mes problèmes. Là. J'espère que ça t'embête pas. Non. Quand j'écris, des fois... Je vais pas t'écouter. Mais... Mettons un message texte. Ouais. Ça fait des signes bizarres. OK. Ça met du piquant dans ta conversation. Non, mais tu sais, comme si, mettons, tout à coup, ça écrivait en programmeur. Ah, OK. Tout à coup, ça... Puis là, ça revient, mais mon mot revient. Fun. C'est malade. Fun. Mais j'ai un sel unique. Oui. Je le vends 10 000 piastres. Ah, pour voilà. Toi. Voilà, mais c'est bon, on apprend. Ouais. On parlera de d'autres anecdotes plus tard, là, mais je suis allé chez Target, en fait, ça va. Ah! Est-ce que t'es allé chez Target? Non. Non? OK. On s'en reparlera peut-être. Ben oui, j'aimerais ça. Mais pour l'instant, un peu comme ton téléphone a pris l'eau. Oui. Nos amis de chez Rouge Pompier, eux aussi, en ont plein le boyau. Les voici avec Paul. Polo. Polo, ben oui. C'est le faisons des liens sur notre famille. Un tuyau coincé dans la fenêtre.

Seulement 2% de la population du monde est blonde, nous dit Internet, encore une fois. Donc, blonde naturelle. Oui, naturelle, évidemment. 2%. La raison principale pour laquelle les lunettes sont si chères, c'est que plus de 80% des manufacturiers, compagnies qui fabriquent des lunettes, sont une propriété de Luxottica Group. Donc, la plupart des magasins et des compagnies de lunettes sont sous Luxottica Group, qui peuvent charger comme ils veulent. Et finalement, le prix d'admission dans un zoo au 18e siècle en Angleterre était un chien ou un chat qu'on nourrissait au lion. Ah oh oui, t'as amené ton propre chat. Ton Maine Coon. Ouais. Tu peux faire rentrer ta famille de 12. Et voilà. C'est ça. Voilà pour cet un fait. On est loin d'apporter une canette de Coca-Cola à la ronde pour avoir un rabais. Ah. Après la pause, oui, la chronique improvisation, c'est la lutte. Apprendre à les connaître un petit peu, là, parce que moi, je les regarde puis ils ont l'air juste louche. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Dans quelques minutes, ce sera la chronique d'improvisation avec la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières qui commence sa saison tonight. Tonight is the night. Premier match officiel de la Luitre. Et on va parler avec le président, directeur général, CEO et chief operating officer. Actionnaire majoritaire. C'est ça, Philippe Grenier, bien sûr. Oui. Tantôt. Oui. Un nouveau titre à chaque semaine, peut-être? Quelque chose comme ça. Oui. Mais pour l'instant, en hommage à ton téléphone qui fait des flébites. Oui. Parce qu'il a pris l'eau. Voici Peter. Et je ne sais pas laquelle choisir, en fait, parce qu'il n'y a pas de chanson qui s'appelle Les chemins étoiles. Non, il n'y en a pas là. Non, mais comment c'est... Tergiverse. Non, c'est... Bon, celle que tu veux. Non. Je vais mettre Rien ne nous rassemble. OK. Parce que ça part pas. Finalement, ça part pas sur ton téléphone, c'est tout. Bon, on va voir. On trouvera un lien. C'est la chronique Trouver un lien. OK! Rien ne ressemble, rien ne ressemble, rien ne ressemble, rien ne ressemble. Peter, Peter. Et rien ne nous rassemble. Et puis, le lien avec ton téléphone, c'est quoi? C'est rien ne nous rassemble. Ben, c'est que tu te ressembles pas quand tu te regardes dedans, parce que quand tu allumes la caméra sur le bord de la caméra vers toi, il y a ça, de l'eau ça dedans. Plus. Ouais, c'est ça. T'as l'air mouillé. Et voilà. Ce que t'es fréquemment, oui, c'est mais vrai. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, là, c'est l'hiver qui arrive, c'est ça. Tu vas avoir la toupette gelée. Ouais. Dorénavant. Oui. Il arrive peut-être que la toupette mouillée parce qu'il prend sa douche le matin, je pense. Oui, je prends ma douche le matin, ça me réveille. Moi, je suis un gars de douche le matin. Bon. Je sais pas pour vous autres, là. Ouais. Moi, je suis un gars de douche vaginale le matin. Ben, écoute. Mais juste le matin. Juste le matin. Le reste du temps, je suis. Ok. Oui, le reste du temps, je suis correct. Je suis normal. Et on a un gars d'impro avec nous, fait qu'on se pense bien drôle, mais finalement, on n'est pas tant que ça, tu sais, parce que lui, il sait ce que c'est d'être drôle. Oui. Hein? Tiens, c'est de toute nouvelle chronique, on commence à l'instant. Voici Dans les coulisses de la Luitre. Grenier! Bon matin, tout le monde. Oh, ma voix est forte. Bon t'es matin. Très, très fort. T'es très fort. T'es un gars qui soulève le studio aussitôt que tu parles. J'espère que le réveil matin de la personne a sonné en même temps. C'est un bon réveil. Bon matin, tout le monde. C'est dynamique. Cette personne passera un beau lundi. Ben, tout à fait. Ben, c'est ce qu'on espère. Une belle journée en perspective et une belle soirée ce soir parce que la lutte commence. Mais allons-y dans l'ordre parce que Philippe Grenier, on se disait qu'on allait commencer en te décrivant comme un joueur de lutte. Ça, c'est JP, il a l'air bon pour ça. Je te mets sur le spot, hein? Oui, vraiment. Sauf que là, les équipes n'ont pas été dévoilées. Écoute, pour la première question. Tu y vas pas avec les attributs physiques? Ok. Commençons par les attributs physiques. C'est 6 pieds 12. 6 pieds 12 de haut. Lunettes. Il a pris sa douche ce matin. Oui. Cheveux de beige. Oui, cheveux un peu frisés. L'air en forme. Dynamique. Homme de ses dames. Oui. Aimant les balades en montagne. A l'air d'avoir bien déjeuné. Oui. Ça se voit dans les yeux, ça? Ça se voit, ça. Ah oui, c'est vrai. On voit qui a mangé du Nutella. Eh oui! Il s'en est tartiné un petit peu aussi. Mélangé avec du beurre de pinot. Je vous ai écouté tantôt, là. C'est le beurre de pinot et le. Ça m'a fait penser à mon déjeuner du matin. Oui, parce que dans un film. Avec le film de Snoop Dogg Millionnaire. Il plongeait dans ça au lieu dans du caca. Exact. C'était du beurre de pinot et du chocolat. N'ayons pas peur des mots. Non! Défécation, excuse-moi. Voilà. Excrément. Voilà. C'est tellement plus beau. Oui. Parler de marbre quand on dit. Oh, excuse-moi. Ah non, on l'a dit. Tout gâché, hein. Tout gâché. Donc, on va. Décris-nous la Luitre cette année. Mettons qu'on y va avec des questions pertinentes comme ça. La Luitre cette année, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à une nouvelle Luitre avec un nouveau visage, beaucoup de nouveaux joueurs, mais avec beaucoup de dynamisme. Ça rajoute dynamisme quand il y a une nouvelle. Des nouveaux visages de recrues, comme moi l'année passée quand je suis arrivé, je pense comme un petit énervé. Donc, c'est des gens qui veulent participer à tout, qui veulent s'impliquer, puis qui ont une énergie face à ça. Fait que on va être, je pense, très dynamique comme ligue cette année. Puis même mon équipe aussi, je veux pas la dire c'est qui, mais j'ai goût de la décrire quand même un peu. OK, ça, en étant le plus flou possible. C'est ah ça. Oui. Dans le fond, on est 4 joueurs. On est flou, on reste dans le flou. Puis on va être une équipe, je pense, à battre. En fait, je pense pas on est à battre. Il y a 2 recrues. On est une fille dans l'équipe, c'est pas moi, c'est une autre personne, la fille. Et 3 garçons et une recrue et mon capitaine ou ma capitaine. Oh, je laisse ça. Oh là! Je suis un peu vendu, hein, je pense. Non, pas trop. Non, ouais, peut-être c'est un bluff. Oui. Et tu es en train de dire que tu es président, directeur général, CEO de la Luitre et que tu t'es aussi nommé. Chef d'équipe? Non. Je voulais pas accepter cette année parce que ça a été vraiment un débat qui s'est fait pour vrai. Est-ce que tu vas être capitaine de la Luitre cette année? Et j'ai accepté, j'ai refusé l'offre parce que j'étais pas encore prêt. Ça prend de l'expérience quand même en impro et moi, j'ai juste une année de la Luitre. Donc je vais me faire un peu plus. C'est un gros rôle quand même, le capitaine. On le sous-estime des fois, là, mais c'est faut que ton équipe veuille te suivre et qu'il te fasse confiance pour ça. Faut que tu veuilles aller prendre les improvisations que ça te tente pas, tu sais. C'est quand que les improvisations, personne n'est sur dans le caucus, souvent fait, qui va. Ben, c'est le capitaine qui va d'habitude. Fait que c'est un rôle que je suis pas prêt à prendre tout de suite. Peut-être l'année prochaine. Aha! Oh. À suivre. À suivre. Faut garder ce segment-là. Mm-hmm. Et puis, ben, sur une note peut-être un peu plus personnelle, t'es, Phil, toi, t'as commencé l'année passée, tu viens de le dire, mais t'étudies à l'UQTR. Oui. En quoi? Ah, ça, c'est la question de ma tante, hein, c'est... Oui, mais les gens veulent savoir. Et, je vais vous répondre la réponse. Vous pensez que tout le monde réponde quand que je dis cette réponse-là? J'étudie en psychologie. Oh! Ah. Qu'est-ce que vous pensez que les gens répondent tout le temps? Oh non, il sait ce que je pense. Oui, il va m'analyser. Tout il m'analyse. Ouais. Je lis dans les pensées. Oui. C'est une des premières compétences qu'il faut avoir, selon l'ordre des psychologues, lire dans les pensées. Oui. Ouais. Mystique Madame Grenier. Oui. Et puis, t'as commencé quand, Phil? Est-ce que c'était ta première année l'année passée en tant que joueur d'improvisation de toute ta vie? Ben, exemple, dans la vie, je m'amusais à improviser avec mes amis. J'étais quelqu'un qui voulait faire... qui était drôle. Tu sais, dans ma famille aussi, j'ai commencé à improviser très jeune. Dans le sens que je me considère que j'ai le rôle du petit humoriste dans la famille. Donc, le petit bouffon. Ouais, le petit bouffon, tu sais, là. Lui, parce que le grand frère sérieux, lui, il se trouve dans un petit rôle de bouffon. Donc, c'était mon rôle. Puis, sinon, au secondaire, je me suis bien amusé avec le théâtre et l'impro. Ça a été ma découverte de ce beau monde-là. Mais j'ai comme boudé pendant l'espace cégep. Je suis rendu sérieux, puis finalement, en venant à l'UQTR, j'ai vu qu'il y avait une belle ligue. Et pour vrai, je pense que c'est un des beaux choix que j'ai fait dans ma vie, surtout pour Trois-Rivières. Ça vaut la peine de venir dans la ligue, là, puis il y a eu beaucoup de gens d'ailleurs qui sont venus au camp d'entraînement, puis c'est une belle ligue. J'ai hâte de jouer ce soir, je suis comme tout excité. C'est cute, c'est cute! Ton meilleur ou pire souvenir d'impro, ou même les deux si tu veux te gâter? Mon meilleur, c'est difficile à décrire en mots. Je vais essayer de vous l'écrire, puis imaginez-vous-le. Okay? C'est Elodie Mongrain, pour les gens qui la connaissent, c'est une fille qui est très théâtrale, qui est très... dans le jargon d'impro, on dit « get grande ». Fait qu'elle est là, elle est sur la scène, elle est prête. Puis elle fait tout le temps des personnages qui sont épurés, qui sont présents. Puis il y a une impro qu'elle a faite où que on s'était dit... on fait juste une. Ça a commencé par une espèce de discussion très normale entre deux personnes. Puis je pense que... Elle s'est trop sentie désemparée où elle a dit c'est pour là mène à rien. Elle a fait un dragon des mers avec qui crachait du feu. Et ça a fait de quoi être vraiment étrange avec cette personne-là. Puis mon pire moment d'impro, c'est une bonne question. Je pense que les pires moments d'impro, c'est ceux-là qu'on voit pas parce que c'est dans l'exemple des impros de salon. Des fois, je me suis déjà amusé avec des amis à faire des impros de salon, puis des fois, ça donne de quoi d'étrange. Et des choses que tu dis, ah, ok, on fait plus ça, c'est dangereux. C'est mauvais pour la santé mentale. Je veux plus jamais te revoir. C'est ça. C'est des expériences à avoir, en effet, pas devant le public. Non, c'est ça. C'est ça. Okay. Mais devant le public, en général, ça va assez bien, c'est le fun. C'est rare des pires moments. De malaise, peut-être à des fois à l'étranger. Des ligues, comme exemple, une ligue qu'on avait été faire à Ottawa. C'est une ligue qui était particulière parce que les thématiques, ce qu'on aime en impro d'habitude, c'est que ce soit vague, que ça soit des ça nous laisse, tu sais, comme exemple, le chemin de verre. Ça nous laisse beaucoup l'opportunité de faire plein de choses, d'interpréter à notre manière, mais ce place-là, à chaque fois, ça nous crée des malaises parce que c'est quelque chose comme les premières règles de Margaret Thatcher. Mais t'as comme pas le choix de faire ça. Mais les thématiques étaient drôles. Les premières règles de Margaret Thatcher, on s'entend qu'il y a de quoi de drôle à faire avec, mais on n'a pas grand-chose à faire. On n'a pas grand-choix, à moins que tu sois original et que tu... Il y a comme une chose à faire, là. C'est moins... C'est un moule. C'est plus moulé. C'est ça, exact. Ouais. Faut être... Moi, je t'écoute parler comme ça avec Margaret Thatcher. Faut être quand même un grand connaisseur faut avoir de grosses connaissances générales pour faire l'improvisation. Parce que si on te demande justement de jouer quelque chose avec Margaret Thatcher et que tu connais pas le personnage, tu connais pas la madame... En effet. Les caucus doivent aider. Oui. Tu sais, tu fais un caucus avant, j'imagine tu fais comme... C'est qui elle? Vite, tu sors ton iPhone. c'est vrai quand même une connaissance générale, mais aussi c'est connaissance générale au niveau que... Quel autre joueur t'a fait une proposition qui est quelque chose qui réfère à, je sais pas moi, à la politique, à la culture générale? Faut que tu le saches. Donc oui, c'est reconnu que pour être un bon joueur d'impro, faut quand même que tu aies une culture générale, mais pas précise. Précise, ça peut t'aider spécifiquement, mais faut que tu aies une culture générale. Sommairement. D'ailleurs, un petit malaise que je viens de penser par rapport au canon recrutement, il y a un joueur qui s'est fait proposer, dans le fond, on veut voir un peu à la manière d'eux, mais à la manière de Michel Tremblay. Et il a répondu, je sais pas c'est quoi Michel Tremblay. Oh. Et là, on a commencé à l'expliquer, puis finalement, il savait pas. Et c'est là qu'on s'est rendu compte. Des fois, c'est ce genre de choses comme ça qui peut mettre une limite au capitaine. Il dit, s'il connaît pas Michel Tremblay, il... Bah, tu sais. Mais finalement, il commence à faire IA Tremblay, joué par Michel Barrette. Oui. Tout mélangé. On a dit, parle en joual. Fait que, okay. Fait de quoi de pas pire, mais. Ouais. C'est important, la culture générale, en fait. C'est un fait. C'est vrai. Ouais. C'est un fait. C'est un fait. Hey! Wow! Hey, je plug des chroniques. Tu peux revenir quand tu veux à ce temps que tu as plugué un nom de mes chroniques. Yes! Ouais, ouais. Et puis, je t'ai acheté. Si on peut. Tu sais, toi qui aimes la musique, tu as déjà animé des émissions ici à C'est Fou. Hey! Mettons qu'on te demande de choisir une chanson qui te représente. Oh, est-ce qu'on va la faire jouer là? À la fin, ou peut-être dans le milieu. Peut-être dans le milieu. Milieu, ouais. Oh, un milieu. Si je la trouve, attends. Wow, j'ai perdu. Moi, la chanson que j'aime beaucoup, puis j'ai pensé ce matin, je me suis dit, parce qu'il y en a beaucoup que je pouvais penser, mais c'est important en premier que ce soit francophone, j'adore le francophone. Mono Grenade, est-ce que vous aimez ça? Oui. Oui. Oui. Alors, moi, c'est un de mes groupes favoris et j'attends avec impatience leur album qui va sortir en automne ici. D'ici pas longtemps, j'imagine, peut-être octobre, novembre, je sais pas encore. Ils disent pas, ils sont mystérieux là-dessus. Ils sont mystérieux. Ils sont fatigants même. Mais la chanson que je vais choisir, c'est de toute façon une chanson que je trouve qui rime dans la thématique puisque elle parle de on fait les cons. Puis souvent, c'est ce qu'on fait en impro, c'est on aime ça être con. c'est le but d'être con. Ben finalement, on préfère de l'impro, Mathieu. On aime ouais, ça. Ouais, c'est vrai, autres, ça fait des autres aussi. À date, ça va pas. J'avais le potentiel, c'est la compétence numéro 1, être con. Ah ben voilà. Être con et pétant. Oui. C'est ça. Hey, on écoute la chanson de Mono Grenade, puis moi je note l'heure. Tu notes l'heure, puis après ça on revient avec d'autres questions pour toi. C'est la chronique de la Luitre avec Philippe Grenier. Grenade et de toute façon. Philippe, c'est dans une. Oui. Hey, en show, cette chanson-là, il a joué acoustique avec tout le monde qui chantait en vocal. C'est très beau. Mm-hmm. C'est la dernière chanson là, pour conclure le spectacle. Wow. J'adore. Génial. Merci. Bon choix. Maintenant, tiens, à chaque chronique de la Luitre, on va finir par une petite aparté. Et ça, c'est une improvisation sur un sujet choisi par la personne qu'on reçoit. Et tout ce qu'on a à lui poser, c'est la question suivante. Oui, c'est poser la question suivante. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Les gens me demandent souvent, toi, Phil, en psychologie, t'analyses-tu les gens? Est-ce que tu me diagnostiques un trouble? Ben, je voulais te dire la vérité. Oui, je diagnostique des choses chez vous, mais pas des diagnostics qu'on trouve comme des troubles anxieux, des dépressions, non. Je diagnostique plus selon des animaux. Je vous catégorise en animaux, dans le fond. Je te vois en chien, comme un petit chihuahua, ça c'est eux qui crient fort, mais qui sont pas très très dangereux. Ou un petit chat, toi, c'est sûr que tu fais juste te flatter le ventre puis se retourne un peu comme JP. JP, lui, c'est quand même un petit chat. Je te catégorise dans un petit chat, JP. Puis sinon, moi, je me considère comme un petit canard. Tu sais, un petit canard, tu regardes ça, puis c'est relax sur le fond, sur l'eau, mais dans le fond, là, ça pagaie des jambes. OK, c'est la partie de Philippe Grenier. C'est dangereux, hein, ça, de laisser un temps comme ça à l'improvisateur. Puis il va partir dans son délire, vous allez voir, ça va donner plein de beaux moments, je pense, en ondes. Oui, c'est ce qu'on veut. Vous allez découvrir le monde des improvisateurs. Un aparté, donner un micro à un improvisateur, c'est dangereux. Oui, c'est leur chance de parler directement au public, oui. La section l'aparté. Et puis, ben, sinon, Colin, tout ce qu'on a à faire, c'est de mentionner le match qui a lieu ce soir. Oui. Parlons-en. Ben, ce soir, premier match, un match qu'on veut présenter les équipes parce qu'on ne les a pas encore dit, à part une équipe que je nommerai pas, les Oranges. qui ont mis une photo Facebook avec leur équipe. Ils ont-tu le droit? On les a chicanés. C'est mal vu. Ah. Ils les ont enlevés. Fait que on sait c'est qui, mais pas tout le monde. Donc ce soir, on dévoile les équipes. Alors les quatre équipes vont jouer. Les rouges contre les bleus, les oranges contre les verts. Donc ça va être une avant la pause et l'autre après la pause. Donc ça risque d'être... Aussi, on va avoir deux arbitres qui vont arbitrer chacun un des deux matchs. Donc, ça risque d'être un match haut en couleurs parce qu'il y a beaucoup de couleurs. T'sais. Les quatre couleurs sont réunies. Hey, ça va être fou. Est-ce que c'est un match officiel qui compte dans les... Oui, ça va compter. Fait que c'est important comme match parce que c'est, justement, ça dure une période. Donc, le pointage se fait rapidement. Une période, ça passe vraiment rapidement. C'est un match important pour le capitaine, puis aussi pour donner le ton à l'année. J'ai vu beaucoup de gens attending sur Facebook. Ça commence bien, je pense, l'année. Je pense que ça va être une grosse saison à l'huître. Excellent. On souhaite que du succès, évidemment. Ouais. Et on rappelle que les matchs sont maintenant à 19h30. Oui, merci. Oui, à 19h30. Et dans le fond, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est plus à 8h. Bon. Non, c'est plus à 8h. C'est toujours gratis. C'est toujours à chasse. Oui. Toujours avec les mêmes bandes. Ouais. Et la bande de gens que vous allez amener. Oui. Et les logos de C'est Fou et de Zone Campus. Oui. Sur la bande. Pas de blague sur bandé. Non. Tu fais pas ça? Tu fais pas ça, toi? Non. T'as pas l'air de ça. Ben, c'est pour ça que je suis assis. Ouais, je sais. Tu peux plus te lever. Parce que non, ça serait gênant. ça va le bas. Donc, merci beaucoup, Philippe Grenier. Ben, merci de l'invitation. On te retrouve pas parce que t'es pas un chroniqueur. T'es juste un gars qui vient comme invité. Mais on va avoir quelqu'un d'autre à chaque semaine. Dans le fond, c'est ça le concept, c'est d'avoir une personne de la Luître par semaine. Ouais. Ici. Mais peut-être qu'on va faire la boucle à un moment donné. Je sais pas, on verra. Vous allez voir, on a des drôles, là, pour vrai. Il n'y a pas de ressources. Moi, je suis pas là parce que je suis drôle, je suis parce que je suis président puis j'organise, mais il y a des drôles dans la ligue. Là. C'est ça, on n'a pas le choix de le recevoir en premier, en fait. C'est pas nous autres qui allons. C'est obligatoire, on nous a tordu le bras. Ouais. Philippe Grenier, président, directeur général, c'est quoi ton titre? Président de la Luître. Moi, j'aime bien des DJ. DJ. Mais. Wiki. À bientôt. Oui, petit aparté qui a commencé. Hein, d'ailleurs, avec Mathieu Roy, animateur de la Luître l'année passée. Et puis, je remettais un prix. Ben, écoute, je suis dans les anecdotes. Là. Ça a l'air à ça. La semaine passée, j'ai compté des histoires pas de punch. Cette semaine, je compte des histoires. Point. On verra s'il y a des punch. Puis, on accepte ça. On cite ton histoire. Oui. Puis, donc, c'est ça, Mathieu. On présentait un prix avec C'est Fou pour le dernier match. Oui. Fait que je pense que je présentais le joueur de l'année, je sais plus. En tout cas, je me souviens que c'était Maxime Tanguy qui a reçu le prix. Et sauf qu'il s'est enfargé dans ses mots en me présentant, puis il a dit « Oui, c'est le DJ de C'est Fou. » Depuis ce temps-là, je suis son DJ. C'est drôle. Oui. Oui, c'était une belle anecdote. C'est cute. Ouais. Autre chose? Non, c'est tout. Un chausson. OK. Je me suis beaucoup reposé en fin de semaine pour être en forme. OK. Fait que je vais faire attention, puis je vais essayer d'être aussi fort que toi, là, parce qu'à date, tu y vas... J'y vais mollo. Tu y vas pas au toast, tu y vas à pâtisserie fine. Oui. C'est ça. Au petit chausson. Comme on dit en impro, un joueur constructeur. Oui. C'est comme Antoine. C'était-tu Antoine Lacasse, le joueur constructeur? Ouf. L'année passée. ce qui est bizarre parce qu'il s'appelle Lacasse. Ouais. En fait, je le qualifierais plus d'un cabotin. Un cabotin. Con aussi. Il aime ça s'amuser et décrocher du cadre qu'il se met lui-même. Bon. Donc, présentez-vous ce soir à 19h30 à la Chasse-Galerie pour le premier match de la saison de la Luitre. Pour l'instant, on écoute Imaginary Cities et Sooner or Later parce que tôt ou tard, c'est devoir rire. À quelque part, à l'impro. Fait que, hein, vaut mieux y aller. Comme ça, ben, ça va être ça. Ça va être ça. Oui, c'est ça. Retour à la chronique éditoriale campusienne de Laurent Constantin. Voyage au centre du campus. Mm-hmm. Mmh, moi, j'aurais appelé ça un jeu de mots avec Constantin. Je sais pas. Après la pause. Ouais. Mais hey, là, je suis pas content, là. Tiens. Je suis pas content, tiens, parce que t'as pas réussi à trouver moi. Ouais, ben moi, au moins, je suis constant, tiens. Oh! Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Radio Autrement 89.1. C'est vous. Comment? Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il est 8h32 minutes et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oh oui, en ce lundi matin du 23 septembre. Première émission d'automne pour nous. C'est vrai. Parlons-en. Hey, hein, parce qu'il n'en parle pas nulle part ailleurs. Ben non. Faisons jouer une chanson qui dit non l'automne dedans, comme genre vive l'automne. Ou les Cowboys Fringants, oui. C'est l'automne dehors. C'est ça. Ouais, oui. Oui. Heureux d'un automne qui me refroidit la couenne. On pourrait faire un petit bloc spécial là-dedans, genre avec toi dans la chanson. Là. Ouais. Mais on le fait souvent. Déjà. Oui. Ouais, c'est vrai. Plus tard, on aura Laurent Constantin, sa chronique Voyage au centre du campus. Oui, monsieur. C'est son éditorial sur l'actualité du campus. C'est bien logique comme ça, je trouve. Mm-hmm. Puis plus tard, on aura aussi la chronique de Maxime Tanguay. Oui. C'est avec, fun. Oui, pour, avec de la chanson pour étudier. Ouais. J'étude le temps pour... J'étude le temps pour une chronique? Oui. Ouais. Tu pensais que je le ferais pas, mais là, voilà, vive l'automne dès le moment. Pourquoi pas? Ah, ben, soyons fous ce matin. C'est un assemblage requis. Je peux te chanter par-dessus? Oui. Vive l'automne. Non, je la connais pas. Je la connais pas. Écoute-la, là. Parfait. Maintenant, tu la connais, Jean-Philippe, c'est Vive l'automne de nos amis de chez Elmotor. Je pourrais la chanter. Oui, si tu le dis, si tu le dis. On la repart en version instrumentale. Donc, oui, toujours à Assemblage requis. Il est 8h. Il est l'heure qu'il est en ce moment. Oui. Oui. Et on reçoit Laurent Constantin, encore une fois, pour sa chronique Voyage au centre du campus. Bonjour à toi. Bonjour. Ça va bien. Oui, ça va bien, ça va bien. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas d'article de journal. C'est vrai, t'es aux deux semaines au journal, mais à chaque semaine, Assemblage requis. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire cette deuxième semaine? Alors, aujourd'hui, je vais commenter deux nouvelles concernant l'UQTA. Oh. Oh. Qui ont été diffusées dans plusieurs médias. Des choses autant qui ont été actuelles sur le campus, mais à travers tout le Québec. OK. Alors, première nouvelle. Drummondville aura son campus de l'UQTR. C'est vrai, oui. Oui. Ça va être une belle place. C'est un peu éloigné de Trois-Rivières, donc c'est normal qu'à un moment donné, on veuille prendre l'expansion. C'est une belle place et c'est un endroit qu'on dit qui est, au niveau de la scolarité universitaire, sont tout en bas de la moyenne québécoise. Donc, ça servirait à augmenter cette moyenne-là, justement, mm-hmm. à avoir une meilleure scolarité. Et en même temps, c'est ça, c'est une zone... On s'est toujours dit, ben pourquoi avoir un lieu universitaire quand ils sont à mi-chemin entre Sherbrooke et Trois-Rivières? Et maintenant, ça va leur servir. Mais un petit problème, l'UQTR et le gouvernement du Québec ont acheté un gros terrain dans le bout de Drummondville. Va construire un gros pavillon dans le bout de Drummondville. Et si je me rappelle bien, durant la lutte étudiante en 2012, un des problèmes, justement, du manque de financement des universités, c'est parce qu'il y avait trop d'antennes de campus. Oui, satellites. Si satellites, c'est ça. Mm-hmm. Donc, on peut penser à l'Université du Québec à Rimouski, à Lévis. On peut parler de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Je pense que c'est comme l'UQAM, l'UDM, tout plein d'universités ont des campus. Tout le monde le fait, il faut le faire, nous autres. C'est ça, tout le monde le fait, tout le monde le fait, donc c'est à notre tour. C'est vrai qu'il y avait déjà un campus à Drummondville depuis longtemps de l'UQTR, mais c'était des locaux loués. Donc okay. Ça coûtait. Et ça va être officiellement à l'UQTR, mais ça va être un campus normal, donc pas, mettons, une aile pâte et papier comme il y a. Il y a déjà. Il y avait un campus pâte et papier à Trois-Rivières. Je pense qu'il n'existe plus, ça se peut-tu? Ben, je pense qu'il est rendu ici. OK, oui, ouais, il est rendu sur le campus papier, maintenant. Oui. Le centre intégré des pâtes et papier qui accueille 4 étudiants. Oui. Oh! Mais dans le fond, c'est ça, ça va vraiment être pas simplement... Ben oui, ça va être une antenne, mais qui va offrir des programmes au complet, pas simplement quelques petits certificats, quelques programmes de formation continue qui s'offrent aux entreprises, mais vraiment des baccalauréats, des maîtrises. Peut-être pas... je sais pas s'il va s'offrir des doctorats au complet, mais vraiment des choses nécessaires à la région. Mais encore là, comme je dis, est-ce qu'on a l'argent pour ça? Ils ont dû la trouver à quelque part? Donc, je trouvais ça un petit peu ambigu de voir... deux ministres, il y avait le ministre Pierre Duchesne, il y avait le ministre Blanchet, qui est le ministre de la région, dans le fond, Mauricie-Centre du Québec, et la ministre Pauline Marois, qui les trois, on s'appelle bien, en 2012, portaient le carré rouge. Et là, coup de théâtre, on vous ouvre un beau gros campus pour les gens du Centre du Québec. Je me demande s'ils ont retiré de l'argent qui devait aller ailleurs pour la mettre là. Genre, est-ce qu'on a perdu quelque chose qu'on aurait pu avoir pour, à la place, avoir un campus à Drummondville? Mais on peut pas inventer l'argent. Et voilà. Ah non. C'est la deuxième nouvelle. Oh! L'UQTR ne sera pas à l'abri de la charte des valeurs. Ah, la charte. Hein? On en parle tout le temps, cette maudite charte-là. Alors, cette charte qu'on parle, donc, on appelait la charte de la laïcité, qu'on appelle la charte maintenant des valeurs québécoises. Oui. Nadia Ghazali s'est fait poser la question lors de l'inauguration du pavillon La Vie étudiante. Est-ce que l'UQTR, est-ce que l'Université du Québec à Trois-Rivières a une position face à la charte? Alors, sa position, c'est... faudrait bien en discuter. Alors, de façon éclairée, comme on peut dire une despote éclairée, a dit non, je laisserai pas ça simplement entre les mains du conseil d'administration de l'UQTR. Bonne décision. On va essayer de former un forum de discussion, faire un colloque sur la question, jaser. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce que... on est capable de nuancer le propos parce que là, on se rappelle déjà que l'Université de Montréal et l'Université McGill, donc les deux universités majeures à Montréal, ont déjà dit non. Nous, on s'oppose catégoriquement à la charte des valeurs québécoises. Mm-hmm. Alors, Nadia Ghazali laisse la porte ouverte à la discussion. Qui est mieux que de nous imposer son opinion? Oui, qui est mieux de nous imposer son opinion? On s'appelle... certaines décisions catégoriques des fois de la rectrice ont fait sursauter le reste du conseil d'administration, les vice-recteurs. Bref, je trouve que c'est une sage décision et on peut aussi peut-être, je pense, Nadia Ghazali en même temps, c'est quelqu'un c'est une immigrante, faut pas l'oublier aussi, elle vient du Maghreb, d'un pays arabe, d'un pays musulman, et pourtant elle ne porte pas le voile. Non. Donc peut-être qu'elle est prise en même temps dans ce débat-là, mais ouais, mais tous les étudiants étrangers ici, parce qu'elle a beaucoup parlé des étudiants étrangers, pour eux que ça peut être important, les symboles religieux, mais elle, pour elle. Sensiblement, ça ne semble pas ostentatoire, assez important pour elle. Non, et c'est pas parce que tu viens d'une place où tout le monde pense comme ça que tu penses nécessairement comme ça. Peut-être même que tu es parti à cause de ça. Ben, exactement. On ne sait pas. Exactement. On n'est pas demandé. Hein? Et aussi, il y avait le débat, ben, elle disait, justement, elle parlait, comme je viens de dire, des étudiants étrangers qui portent des signes religieux, mais selon la Charte des valeurs québécoises, c'est simplement les employés qui ne doivent pas porter les étudiants signes. Seraient libres de faire. Oui, exactement. Donc, ce sera à suivre durant l'automne, à surveiller. C'est ça. À bien surveiller les dires et les décisions de la rectrice. Et on te met là-dessus. Non. Tu nous en parles quand tu veux. Là, c'est sûr que je vais surveiller ça pour vous. Et simplement pas oublier les prochaines choses à surveiller importantes. Il y aura un conseil d'administration de la GQTR le 29 septembre. Je serai là. Et l'Assemblée générale de la GQTR le 1er octobre, je serai là aussi. Alors, soyez des nôtres. Ça suit les dossiers chauds, ça va se coucher tard. Ah oui. Laurent Constantin, on te lit aussi dans Zone Campus. Prochain numéro qui sort la semaine prochaine. Oui. Et est-ce que tu nous teases un petit peu? T'as pas encore le... Ouais, peut-être un peu. Seulement dire, il y a dissension à l'UQTR. Certaines associations étudiantes veulent plus de pouvoir. OK. Encore chaud tout le temps. C'est chaud. Mais j'ai eu le temps de compter. OK. Avec ton œil de lynx. Oui. Écoute, si j'avais un piment, je te le lancerais. Merci. Et je le mangerais volontiers. Voilà. Hier, j'ai mangé du piment avec je pense que c'était de la viande. Oui. Je pense que c'est de la viande. Une anecdote, Mathieu, vas-y. Avec du fromage dedans. Ma blonde a fait ça. C'est comme dans un piment. Tu cuis ça au four. Oui. Ah oui, c'est bon. C'est bien. Miam. Pas meilleur que les tiennes, mais c'est anecdote. Ben non. C'est un peu cheesy. Oui. Faudrait mettre un peu de piment là-dedans. Merci encore, Laurent Constantin. Plaisir. Désolé pour tout ça. On s'en va entendre. Tiens, quelqu'un qui peut-être, j'imagine, lors de ce colloque-là, va se mettre à crier, Nadia Ghazali. On l'écoute à l'instant? Non, on écoute Bravo Funkin. C'était mis à crier. Ça, c'est fou. À la Sandalwick. Mon lit était tout taché de nos rêves. kings and all the angels, seats and soldiers, come step to the parade. I run out like a cheetah, the monkey's in the blood. And what a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie. And all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. But Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes their pirouette, the gods cry from above. And all the rain keeps falling on bare feet in the mud. Maudit que c'est bon, cette chanson-là. Maudit que c'est bon. Better Than Gold par The Cat Empire, Assemblage requis. Et maintenant, ben, tiens, avec notre analyste sur le terrain, Laurent Constantin, toujours journaliste d'enquête. Oui, pour, alors, juste pour vous, j'ai enquêté sur le Target. Comme on l'appelle, le Target. Le Target. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, le Target. Allons cibler. C'est plus québécois. Oui. Comme ça. Donc, qui est ouvert depuis la semaine passée, et tout le monde en parle, mais nous, on n'a pas encore parlé, fait que c'est ce qu'on va faire. Parlons-en. Non, mais tout le monde en parle, ne parlait pas du Target hier. Non. Oh! Eh oui, anecdote. Okay, tout le monde a fait une anecdote, c'est à mon tour. OK. Hier, j'étais à mon travail, je dis, hey, une de mes collègues de travail, qu'est-ce que tu fais avec un café Starbucks? Où est-ce que t'as pris ça? T'es revenu à Montréal avec ton Starbucks? C'est ça, je me suis dit, il y a quelque chose de ça, ça 20, ça 40 à Montréal, il est-tu encore chaud? Non, non. Il y a un gars sous glace. Tu savais pas. À tous les Target, il y a un Starbucks. Tu sais, c'est comme au Walmart, il y a tout le temps un McDo. Je fais, ben, Colin! Et voilà. Ben voilà qui est dit. T'as un Starbucks, est-ce que t'es allé goûter? Non. Ce qui est anecdote bizarre, on est allé samedi, on a passé la journée, là, ben, une partie de l'après-midi, là, magasiner, faire le tour des rangées qui nous intéressaient. C'est pas trop différent. Hein? J'ai acheté à peu près les mêmes choses que j'aurais acheté de toute façon si on est allé chez Walmart, là, genre. Un crayon. Un crayon. Quelques petites affaires quand même cool qu'il y avait. Bon, c'est rien de révolutionnaire. J'entends un commentaire d'un gars qui passe à côté de moi qui dit genre, wow, ça ressemble vraiment à Walmart. Ouais, et ça ressemble à littéralement tous les marchés de grande surface du monde, plus ou moins. Donc, c'est vraiment Zellers qui a changé son crypto pour Target. Je pense qu'ils ont vidé, refait et remis du nouveau stock, mais c'est les mêmes produits dans tous les magasins de toute façon. Fait qu'à un moment donné, tu te cherches. C'est peut-être pas dans le même ordre. Hein? Ils disaient, ça va être de meilleure qualité. Non, les produits sont dans la même qualité. De meilleure qualité. D'apparence plus classe. Ah. C'est le look qui a l'air plus classe et non pas les produits. sais. Et puis c'est ça, Starbucks, étrangement, ferme genre à 4h20 là, et non pas à 5h la fin de semaine. Pour vrai. Ah oui. Fait qu'on a, nous autres, on s'était dit, est-ce qu'on prend notre Starbucks avant ou après? On s'est dit, après, ça va être trop difficile de tout le temps avoir un verre dans les mains. On n'a pas pu y aller parce que c'était fermé. Ben ça, c'est très étrange. C'est plate, là. Ouais, est-ce que c'est indiqué? Non, ben sûrement qu'il y a quelque chose à quelque part d'indiqué. Nous, la façon qu'on a su, c'est parce qu'il y avait vraiment une barrière, si on veut, d'installer avant, avant l'entrée. Il y avait un gars de sécurité. Ouh. La police. Mais j'imagine que ça doit être pour laver leur machine avant. Sûrement que ça prend du temps à laver ces affaires-là. Mais ouais, puis. Ton magasin ferme à 5h, ton café devrait fermer à 5h. Ouais. Le McDo ferme à 5h. Ouais. Mettons les rivières, là. Ouais. C'est aux rivières, là. Ouais. Mettons les rivières, tu vois, il y a le centre des restos, là. Mm-hmm. Ben, les restos, ils ferment à 5h. Ils normal. Lavent leur affaire après. C'est normal. Ils devraient l'annoncer dans l'intercom, quand même. Ouais. La Tanguette vous annonce que Starbucks ferme dans 5 minutes. Target vous annonce que l'étoile du dollar se ferme dans 2 minutes. C'est mon nom pour Starbucks. Je trouve ça un peu dommage, parce que tu sais, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un bon café quand t'as fini de magasiner? Voilà. Tu retournes chez vous, t'as envie d'un peu de. Pick-me-up. Mais devine, oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Ben, t'es allé ailleurs. T'es chez The Martins. Ben voilà. Ah, ben oui. Juste de l'autre côté du parking. Et voilà. Je serais bienvenu à la chasse, mais c'est fermé la fin de semaine. Hein? Sinon, je serais allé à la chasse. Bien sûr. Ouais, voilà. Normalement. ouais. Non, c'est ça, l'expérience était complètement traditionnelle et normale de magasinage, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça long. Plate, les paniers sont beaucoup trop larges, les rangées trop étroites. Voilà. Non. C'est comme ça. Mais pour de vrai, là, mettons, si on compare aux zèleuses, c'est pareil. Là, ben c'est pareil, sauf que. Il y a le même genre de matériel, il y a les vêtements. Oui, l'électronique. On pourrait tous les nommer. Oui. Les produits de salle de bain. Est-ce qu'il y a comme un peu une épicerie? Non, il y a pas de. Non. J'ai pas vu de cette. Ben, il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe, mais. Ouais, puis il y a des congélateurs. Oui, il y a une épicerie. Il n'y a pas de fruits et des légumes. Pas de fruits et de légumes, non. C'est ça. Non, OK. Non. Fait que c'est un peu comme un mélange de Zellers puis de Tigre Géant. Oui, quasiment. On pourrait dire ça comme ça. Parfait. Ouais. Je suis en train de me faire une bonne idée. C'est au moins que le look est rendu dans le 2010 et plus. Le 1990 et plus, okay. Comme chez Zellers. Parce que jusqu'à la fin, Zellers a traîné son matériel promotionnel des années 90. Ça n'a pas changé du tout. Non. C'était le pastel et. Et est-ce que Target. Target? Target a sa marque maison. Oui, j'ai vu des produits d'une marque maison. C'est Up and Up, la marque. Up and Up. Up and Up. Avec une petite flèche. Donc, il y a le papier de toilette, une petite bouffe pour enfants. Oui, il y a tout ça. Up-up. Donc, Ginette Renault pourrait faire une pub en disant encore plus haut, encore plus loin. M'appelle ça en anglais. A little up, a little more up. Puis, est-ce que les employés, c'est des robots? tous des robots. Okay. Non, mais ce que j'ai trouvé impressionnant parlant de robots, c'est les. Tu sais, dans chaque, littéralement, presque chaque magasin grande surface, ils ont essayé les caisses libre-service. Oui. Ils essaient encore chez Target de faire des caisses libre-service. Ça ne fonctionne toujours pas. Il y a tout le temps personne pour y aller. La caissière nous demande « Voulez-vous passer à la caisse libre-service? » Non. Je sais ce que c'est. J'aime pas ça. Il y a personne qui aime ça. Tu sais que ça dépend vraiment des secteurs. Parce que moi, chez mes parents, il y a un IGA qui a fait ça, la caisse libre-service. Puis c'est un fléau. Ah, c'est pas un flop, là. C'est incroyable. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Ah, ouais, là, ah, la majorité des ventes sont faites par la caisse libre-service. Wow! Surprenant parce que je connais un Canadian Tire et un IKEA libre-service et ça devient complètement inutile parce que finalement, il y a autant de caissières derrière pour vérifier ta facture pour dire « Ah non, vous n'avez pas fait ça correctement. » Ça marque sa caisse, genre, demander à un caissier de quand prouver la bière, c'est le vin... Ouais. Non, c'est inutile, mais bon, si eux veulent réessayer encore ça, ça durera quelques temps, puis ils mettront, comme chez Walmart, des caisses, des minuscules caisses à une personne, c'est où tu peux passer plus rapidement. Je pense que c'est ça le futur. Hein? C'est, oui. Veuillez passer à la caisse. Hein? Hein? Oui. Ils font tout. On dirait que c'est un notaire qui a enregistré les sons. Le 6, je l'aime bien aussi. 6. Ouais, non, c'est 6. C'est quelque chose de même. Si. Si. Ah. Ouais, bref, j'aime beaucoup cette voix-là. Ils l'ont changé chez Walmart récemment, la voix de la personne qui annonce les caisses. Pas meilleure, t'sais. Non. Vraiment pas meilleure. Je vais pas assez pour. Non, moi non plus. Non, ça fait pas partie de. Mes habitudes. De mon patrimoine. C'est malheureusement trop une partie du mien. Que voulez-vous? Des fois, faut se sacrifier pour avoir ce qu'on veut. Parce que si t'envoies juste ta copine faire les commissions, t'auras jamais ce que tu veux. Ah, ça, c'est vrai. C'est correct qu'il est passé 9h. C'est ça, elle ne nous écoute pas, il est passé 9h. Ça rejoue demain matin. Oh non! Donc voilà pour notre petite critique wrap-up du Target. Du Target. De Trois-Rivières. C'était fascinant, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, ce sera notre ami Maxime Tanguay et sa chronique. J'ai-tu du temps pour une chronique? Mais écoute, je reviens avec une question, Mathieu, je m'excuse. Là, aujourd'hui, j'arrête pas de faire ça. T'es prêt pour la chanson? C'est puis moi, je suis comme même. Non. Donc, tu parce que ça fait quand même un an qu'ils sont en rénovation. Oui, c'était long, très long. Mais c'est ça, physiquement, tu me dis que c'est mieux. C'est plus beau. Non, ça, il n'y a absolument rien à dire sur la beauté du magasin. Là. C'est très, très joli, très bien placé. Un an pour les rénovations, c'est plus long que nos bureaux, ça. Ouais, ben d'après moi, en tout cas, selon ce que j'ai vu, il y aura d'avoir vraiment comme complètement, mais rasé le Zellers. Tout ce qu'ils ont gardé, c'est les quatre murs qu'ils devaient entourer. Ah, ben on ne trouvera plus de poils nulle part. Ça, c'est bien. C'est ça. Mais il n'y a plus la petite cuisine avec un restaurant qu'il y avait là. Il n'y a plus ça. Le Starbucks, oui, c'est pas la même place. Oui, okay, oui. Donc, ils ont vraiment seulement gardé les murs. Ils ont refait tous les étagères. Ils ont tout refait. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui est tombé dans mes oubliettes, là? C'est bien le restaurant du Zellers. C'était miteux, mais il y avait des bonnes affaires, quand même. Moi, je suis jamais allé. Il y avait beaucoup de planchers à cirer. Oui. Ouais. Avec la graisse de leurs œufs et bacon. Ah. Non, mais j'ai aimé le Starbucks. Mettons, si on veut parler du Starbucks rapidement, il n'y a pas grand choix, là, mais. C'est cher. C'est comme le Tim Hortons de l'UQTR. Il n'y a pas grand choix. Ouais. Puis, mais beaucoup plus cher que le Tim Hortons. Ah, OK, en plus. Mais bon, c'est comme le fun. Là, on est prêt? Oui, je t'interromps plus jamais. Maxime Tanguay au retour. Yes. Assemblage. CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours Assemblage requis, les Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oh oui. Ben voilà, on est rendu à Maxime Tanguay, ou presque, mais avant ça, le temps qu'il s'installe, un peu comme, mettons, comme on doit suivre les étapes d'une recette. Ou mettons faire la file chez Starbucks. Oui. On va suivre la cadence avec Navert. Avec Navert. Lien de la mort encore. Ah. C'était Nevers et ta cadence. On s'amuse en ronde. Laurent Constantin est parti. Oui, mais il nous a laissé sur une note drôle. Et Maxime Tanguay est un autre. Ça a popé. T'as popé. Pareil, c'était bon. Oui. Hey, Maxime Tanguay. Salut, Mathieu Plante. Salut. Salut. Toi, là. Que je te vois pas. Non, mais je te reconnais pas, tes cheveux courts. Cool. Ah! Non, mais on s'était promis. La semaine passée, qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée, Jean-Philippe? On a dit que ça serait la garde partagée. Qu'une émission, je serais de ton bord, de l'autre émission, je serais. T'as bien raison. Bord à Mathieu. T'as bien raison, mais j'avais oublié que cette semaine, c'était de l'autre côté, puis je suis déçu. Mmh. Ben, écoute, c'est normal. Je te ferai un call après l'émission. Wouhou! Tout le monde oublie quelque chose, dont oublier le nom de sa propre chronique. Oui. Non! Maxime Tanguay. J'ai pas fait ça. Aujourd'hui, je vais te demander de dire le nom de ta chronique comme. Tu vas me punir, là. Un employé chez Starbucks qui demande au prochain client et qui lui veut lui donner son café Venti. Avec pour le nom Venti. Le Venti a un prénom bizarre. Tu sais, parce qu'il y a tout le temps, il écrive le nom sur le côté du verre. Ah ouais, c'est vrai ça. Et puis, j'ai jamais allé au Starbucks. Des fois, c'est des noms bizarres. Fait que okay. t'es le gars derrière le comptoir qui donne un café Venti à une personne avec un nom bizarre. Go! Es-tu le temps d'une chronique? Drôle de nom. C'est bon. Maxime Tanguay, j'ai tout le temps une chronique. Oui. Oui. On met plus ton intro en jouer. C'est fini cet intro en jouer. Ben non, je suis rendu dépressif et. Ben, je suis rendu en maîtrise, moi, que je dis ça. T'es rendu sérieux. Je suis rendu sérieux. Ben, tu vois, regarde, je suis en chemise. Oui. Hey, je vais faire une grosse. Non, pas à ce point-là. Ça, c'est au doctorat. Ben, non. Ouais, c'est ça. Puis t'es pas non plus chez Starbucks où les jeunes portent des pantalons au corps du roi avec un nœud papillon, les cheveux qu'on rasait sur la tête, crête en avant, puis une moustache. T'as vraiment, je sais pas si c'est de l'amour, de la haine ou juste une obsession sur le Starbucks. Oui, et les hipsters qui s'y présentent. Okay. C'est exactement ça que je m'en allais dire. C'est ça, je te dirais. C'est tellement hipster. Ben, à Trois-Rivières, c'est hipster. À Montréal, ça l'est plus, là, mais non. À Trois-Rivières, c'est hipster. Ben, on est hipster à délai, comme toujours. Ben oui. On est toujours à délai. Parce que, tu sais, si tu vas au Morgan, t'es plus underground, là. Tout le monde va au Morgan. Mais ben, le Starbucks. Payé pour Internet. Hey, c'est quand même ironique parce que les hipsters tentent tout le temps d'aller chercher la contre-culture ou d'aller chercher quelque chose qui n'est pas populaire, mais ils vont Target. Enfin, en tout cas, bizarre. Mais tu vois, un peu comme les gens qui voulaient étudier, on remet la chronique à plus tard en parlant de d'autres choses. Un peu comme quand on étudie, on va aller sur Facebook en même temps. Ben oui, on va procrastiner tout le temps. Un peu comme la chronique d'une certaine Justine que je m'ennuie, que je vois pas souvent. Mais bon, ben, c'est parce qu'il y avait l'émission une fois par mois aussi. Ben oui, ben c'est effectivement. C'est pas en même temps. Non. Oh là là. Il faudrait que j'écrive. Bref, allô? Allô! Ça pour dire. Donc, chronique, comme toujours, que je vous présente un truc, un groupe ou un album qui est idéal pour étudier. Donc, souvent de la musique, soit d'ambiance, un peu comme on peut entendre présentement. Oui. Là. C'est Sigur Rós, ça, hein? Oui, c'est ça. C'est une instrumentale de Sigur Rós. Oh. Ben, ça allait avec ton intro avant, mais je chopais l'intro. Oui, c'est ça. Puis je t'en ai pas renvoyé une nouvelle. Pas grave. Mais je trouve ça fit. En fait. Moi aussi, je trouve ça. Bon, parfait. Oui. Allez, on s'entend tellement bien. On s'entend, puis on en parle en ondes comme super transparent. Ben, oui, c'est vrai, hein? Hey, qu'est-ce que tu fais à soir? Je t'invite à souper. Hey, on n'a rien à cacher. Écoute, salut les gens à la maison qui ont hâte qu'on parle d'autre chose que c'est nous. Ça. Et donc, voilà le groupe Explosions in the Sky que je vous cool. amène aujourd'hui. C'est bon, ok, ça. T'aimes ça? Oui. Hey. Moi, je vais savoir si j'aime ça après. Ah, ok, d'accord. Explosions in the Sky, donc quatuor du Texas, Dustin, en fait, précisément Texas, qui fonctionne depuis 1999. Ça fait quand même un moment qu'ils sont dans le décor. C'est une musique post-rock instrumentale. Donc, c'est des pièces qui vont généralement être en moyenne entre 7 et 12 minutes. Mm. Parfois un petit peu plus court, mais c'est quand même assez rare. C'est des pièces qui vont être assez longues, qui vont beaucoup travailler sur ils vont vous emmener à quelque part. Leur titre de chanson particulièrement m'impressionne tout le temps. Parce que je réussis tout le temps à trouver le lien. Ouais, j'ai failli donner des coups de poing sur le portable à Mathieu. J'étais intense, j'aime ce groupe-là. Et leur titre de chanson vont tout le temps m'inspire tout le temps. T'sais, c'est pas comme je vais dire Badoum Badoum, ça va être ça le nom de la toune. Badoum Badoum Love. Ouais, c'est ça. Et Love dans le titre. Love. Mais eux autres ont tout le temps, on dirait que ça fit avec l'ambiance qu'on met dans la chanson. On dirait qu'ils racontent quelque chose, mais sans parole. C'est ce que je trouve assez incroyable du groupe Explosions in the Sky. C'est qui l'autre fois qui demandait la question, qui posait la question, pourquoi est-ce qu'une chanson instrumentale a un titre? Mais Colin, c'est justement ça. C'est pour que tu puisses savoir comprendre. De quoi ça parle. Ça peut être comprendre. Ça peut être plein de raisons. Ça peut être, la chanson s'appelle Austin parce qu'on vient de là. Ça peut être, la chanson s'appelle Home parce que je l'ai composée à la maison. Il y a plein de raisons. Puis eux autres, je trouve que ça fit avec l'ambiance qu'ils vont mettre dans la chanson. Probablement qu'ils écrivent la chanson, l'enregistrent, puis après ils s'assoient, puis ils font à quoi ça nous fait penser, puis bang, ils tombent avec un titre. Et leurs titres sont tout le temps très. C'est con, mais c'est des bons titres post-rock. C'est pas des. C'est tout le temps. Le meilleur exemple, je pense, c'est With Tired Eyes, Tired Minds, Tired Souls, We Slept. Wow, donc, ils sont longs, hein? Ouais, ben celle-là particulièrement, mais avec des yeux fatigués, des esprits fatigués, des âmes fatiguées, nous avons dormi, qui ferme un album et qui est d'ailleurs une des chansons que je recommande d'entendre du groupe, que je trouve qui inspire beaucoup la musique post-rock. Bref, donc trois guitares et une batterie, parfois avec un des guitaristes va changer pour une guitare basse, question de faire de se groover le bassin un petit peu. Il y a parfois des petits samples, mais c'est quand même assez rare. C'est surtout dans le dernier album qu'on va en avoir un peu. Dernier album que je vous ai amené d'ailleurs aujourd'hui. Donc, il y en a 6 présentement, les albums. C'est sûr que moi, personnellement, je suis vendu Explosion of the Sky. Peu importe ce qu'ils font, je pense qu'ils pèteraient dans un micro que je trouverais ça bon. Là. J'adore ce groupe-là, vraiment, énormément. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui n'est pas initié au post-rock, peut écouter les 6 albums de suite puis faire comme « Ouais, ça revient un peu au même ». Oui puis non, parce qu'il y a tout le temps des ambiances différentes, ils ont des techniques différentes d'enregistrement, ils vont tout le temps aller chercher des petits éléments. C'est pas immense, mais il y a quand même une petite différence entre chacun des albums. Je vous dirais, honnêtement, je suis peut-être pas encore assez à l'aise pour vous me faites écouter une tonne de même sur le fly, je vous dis c'est tel album. Nommé, ouais. Je pourrais peut-être pas encore faire ça. Mais il y en a quand même beaucoup, des albums. Il y en a 6. Oui, c'est ça, ils ont 6 albums, donc c'est quand même... ça peut... paraître répétitif, mais ça ne l'est pas. Il y a vraiment des subtilités dans chacun des albums. Mais avec la longueur de chacune des pièces, de ne pas en avoir 12 sur un CD non plus. Non. Généralement, c'est 5-6 pièces. OK. À peu près par disque. Pas pire. Donc, voilà, c'est vraiment un voyage émotif. Eux autres, ils ont tout le temps des... Il n'y a pas beaucoup d'accroche en tant que tel dans les chansons. C'est souvent, ça va planer, ça va voler un peu. Mais c'est fait pour justement étudier. Tu veux pas du catchy ou tu vas avoir le beat dans la tête toute la journée. Puis, exactement. Ouais. Mm-hmm. Oui, exactement. Et c'est tout le temps dans l'émotion des chansons. Les gars sont excellents. C'est des très, très, très bons musiciens. Mais le démontre pas nécessairement. C'est pour, il n'y a pas de ils jouent à botch pour que tu saches pas qu'ils sont bons. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de solo compliqué, il n'y a pas de technique compliquée, de quoi de trop lourd. C'est jamais présent. C'est pas la musique mathématique comme certains. Absolument pas. C'est complètement le contraire. Les chansons, souvent, pas nécessairement de structure, sont très imprévisibles. Quoi qu'on va nous quand même. On le sent venir souvent parce qu'eux autres, dans le voyage qu'ils nous offrent, souvent, ils vont nous amener à quelque part jusqu'à un moment où il va y avoir une explosion en chanson. Ils savent où ils s'en vont. C'est pas un jam freestyle. Non, c'est ça, c'est ça. Ils nous amènent tranquillement quelque part. Et généralement, les chansons vont comporter une explosion. Donc, probablement d'où vient le titre, ouais. le nom du groupe, où vraiment ça va exploser. Les guitares vont devenir tonitruantes, ça va devenir super intense, la batterie va embarquer. Il y a de nouveaux instruments à chaque chanson qu'ils enregistrent. Ouais. Ils détruisent leurs esprits. Ils vont finalement battre le record du 140 guitares. Péter lors d'une tournée. C'est dans qui a fait ça? C'est dans C'est un fait. C'était le gars de Muse. Muse, ah ouais, oui. Matt Bellamy. Oui. Ah, mais il est riche à pu finir, ce gars-là. Il vit au lac. Le lac en France, en Italie, là, où toutes les grandes vedettes ont un chalet, tu fais comme, voyons, tu peux pas avoir... Tout le lac Como. Tout le lac au complet, c'est une fondue au fromage. Ah, mais, tu trempes ton petit pain dedans. Mais la fondue au fromage, par contre, c'est suisse. C'est suisse. Moi, maudit, moi qui voulais faire une blague drôle, mais raté. T'aurais pu dire, c'est un spaghetti bolognaise. Oui, c'est un immense plat de spaghetti bolognaise. Le lac Como en Italie, sors ton chèque pour revivre. Là. Bref, ça pour dire, il va tout le temps avoir un moment super intense, mais c'est agressif, pas agressif. C'est pas agressant. C'est très intense. C'est de la grosse distorsion. Des fois, tu vas même entendre quasiment des speakers gricher un peu. Mais c'est pas agressant. C'est juste, on dirait, c'est un moment d'extase. C'est un moment d'émotion pure. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, les chansons que je vous conseille d'aller écouter pour le groupe, il y a entre autres With Tired Minds, Tired Eyes, Tired Minds, Tired Soul, We Slept, de l'album qui a titre tout aussi long. Those who tell the truth shall die. Those who tell the truth shall live forever. Wow! Leur deuxième album, bref. Sinon, First Breath After Coma de leur album voyons. The Earth is Not a Cold Dead Place, qui est, tant qu'à moi, leur album à entendre, qui est vraiment un album génial. La pochette est blanche avec des écritures, plein d'écritures dessus. Là. Cet album-là est incroyable. C'est leur troisième, si je me souviens bien. Welcome Ghost de leur avant-dernier, All of a Sudden, I Miss Everyone. Et Human Qualities de Take Care, Take Care, Take Care, qui est l'album que je vous ai apporté aujourd'hui. La pochette qui se transforme en maison, je vais vous le faire devant vous. Arrête donc, toi. Il y a plus de côté à ça. Ça donne une maison. Oups. Ben oui, toi. Ben, j'ai, hein, on s'entend, c'est à la radio, fait que je donnerai pas tant d'efforts. Il manque un mur, là. Ouais, il a tombé. Et de l'intérieur de la maison, quand on regarde, on peut voir les fenêtres, on peut voir la porte, et à l'extérieur, il fait très mauvais. Il y a une tornade que tu vois dans la porte. Dans la fenêtre, tu vois que le ciel est très orageux. Et on dirait que c'est une sorte d'endroit de sécurité, la maison. Donc, cet album-là, eux, le considèrent comme un album où on va être en sécurité à l'intérieur. Oh, c'est intéressant. Et dans les chansons, dans les titres de chansons aussi, ça transparaît beaucoup. On a Human Qualities qui fait un peu... on sent, essaie de vanter la qualité des humaines, mais aussi beaucoup qu'il y a beaucoup de bruit de corps. Il y a des clappements de mains. le petit symbole de rhum qu'on entend, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un avec son chest ou ses cuisses. De fesses. Pour vrai, qui a tapé pour faire la rythmique. C'est super intéressant. On a Be Comfortable Creature, donc soit confortable créature, qui me donne l'impression de peu importe qui on est, qu'est-ce qu'on fait, on a moyen d'être confortable, d'être heureux. Et vraiment, c'est un très, très bel album. Et je pense que je vais vous laisser le choix de la pièce à entendre parce que Human Qualities, tant qu'à moi, ce serait mon choix. Parce que c'est vraiment, elle vous donne un excellent exemple d'une chanson d'Explosion. Donc, une chanson qui va commencer très tranquillement, sans accroche, qui va finir par tomber et qui va remonter légèrement pour finalement exploser vers la fin. Mais c'est qu'il y a un moment quasiment silencieux au milieu, qui dure un petit 10 secondes. Fait que comme on est en radio, je vous laisse... Déstabiliser un peu, puis je veux pas non plus que les gens s'intonisent, c'est fou, face à mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, puis qu'il y a rien en nombre. Fait que je vous laisse le choix. Ça arrive déjà, c'est une blague. Faux. Tu sais, quand j'oublie mes noms de chronique, puis là, il y a un blanc de 10 secondes, parce que je le cherche. Puis qu'on te regarde, puis qu'on te fait de la pression. Oui, sans m'aider. Qu'on t'aide pas. Et celle-là, ou la dernière, Let Me Back In, qui ferme l'album et qui a moins la sensation d'explosion, mais qui a quand même le développement, puis qui va nous faire voyager quand même dans le style, puis qui a une petite inspiration Moyen-Orient au début de la chanson. Là, les deux me tentent, hein, toi? Ouais, moi aussi. On dirait que j'ai envie de vivre une explosion. Ça peut vous aider. Human Qualities dure environ 8 minutes. Puis Let Me Back In, 9 minutes environ. Ça change rien. Non, ça change rien. La seule chose que ça change, c'est qu'on sait qu'on peut pas écouter les deux. on y va pour l'explosion. Il faut découvrir. Donc, on va y aller avec Human Qualities, qui, je vous dis sincèrement, c'est vraiment, vraiment un très bon choix. Moi, j'écoute cette chanson-là, puis je capote. Puis on viendra faire un sketch dans le silence au milieu. Parfait. On va parler de Starbucks encore. Oh. C'est J'ai-tu de temps pour une chronique avec Maxime Tanguy. Oh yeah. Le groupe Explosions in the Sky. Comment vous vous sentez, là? Je me sens un petit morceau, là. Explosé, ouais. Explosé, ouais. Hein. Ouais. Ça valait la peine, c'est parce que t'as mis la barre haute, fait qu'on était comme, il mieux d'être bon, ton bout, tout ça explose, là. Oui. Okay, puis il l'était, fait que... Pis, un peu comme un muffin, explosion de fruits. Oui, oui, JP, oui, c'est ça. Oui, mais, oui, c'est ça. Puis il nous amène. Puis c'est pas un moment qui est très long dans la chanson. La chanson dure 8 minutes, l'explosion, mettons, dure peut-être quoi, 30 secondes. Ouais, à peu près. Mm-hmm. Puis mais c'est ça qui est intense. C'est ça c'est qui nous amène vers ça. Exactement, exactement. Puis juste le. J'ai des frissons. Bref, donc, Explosion of the Sky, pas mal. C'est vraiment la chanson qui vous illustre le mieux le groupe. Allez écouter leur album. Quand je vous dis The Earth Is Not a Cold Dead Place, qui est sorti en 2003, qui est vraiment leur gros magnum opus, on peut dire comme ça. Vraiment très très bon album. L'autre avant aussi, Those Who Shall Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever. Puis Take Care, leur dernier, qui est vraiment les trois gros albums. Sinon, je vous dirais, le reste, c'est quand même tout excellent. C'est vraiment un très très très bon groupe. Et ils sont en première partie de Nine Inch Nails, début novembre, je crois. Ouais, je crois que c'est début novembre, Nine Inch Nails en tournée, mm-hmm, au Centre Bell à Montréal. Donc intéressant. Première partie, Explosions in the Sky, donc ça devrait être assez hot, merci. C'est juste plate que le dernier Nine Inch Nails soit pas très bon, là. Mais ça, c'est mon avis. Mais pas, non. Okay, Reprends-toi. Différent. Il est différent. Moi, une chanson upbeat de Nine Inch Nails, je comprends pas ça. Bon, c'est intéressant, puis il a peut-être bien fait, là, probablement. Faudrait que je le réécoute, mais je comprends pas ça. Moi, Nine Inch Nails, j'ai le goût genre de me pendre après avoir entendu ça. Là. Je suis pas sans... Non, mais. Tu l'as pas fait encore? Non. Non. J'attends pas. Je suis pas tout seul quand j'en écoute. Si on revient à Explosions in the Sky, oui. Savais-tu que c'est eux qui ont travaillé très très fort sur la trame sonore du film et de l'émission de télé Les Lumières du vendredi soir? Oui. Ça, c'est très très bon, ça. Oui. Friday Night Lights, que tu peux. En fait, la trame sonore est disponible. Oui. Ils en ont refait une autre aussi, très. Prince Avalanche, qui est sorti. Je crois que c'est un film. Ils ont fait la trame sonore également. Ça a sorti il y a un mois et demi environ, que j'ai pas entendu par contre. Mais... Je sais que ça fait très très bien avec Friday Night Lights. Là, pour l'autre, j'imagine qu'aussi, oui, s'ils lui auront demandé. Effectivement. Puis c'est un groupe que ça arrive quand même souvent que leur chanson va apparaître dans les émissions parce que ça se prête énormément. C'est de l'ambiance. C'est ça. Puis c'est très cinématographique aussi. Là. Donc, oui, bien vu. Puis un album qui peut être intéressant, qui est particulier, c'est une expérience de leur quatrième de Rescue, où ils sont arrivés en studio où ils n'avaient absolument rien de préparé. Puis en deux semaines, ils ont enregistré l'album, ils l'ont mixé, ils l'ont masterisé. Puis à chaque jour, ils faisaient une chanson. Puis c'était, on se lève le matin, on la commence, puis en se couchant, il faut qu'elle soit finie, enregistrée, puis tout. C'est la technique assemblage requis. Oui, exactement. Donc, c'est 8 pièces que ça a donné. C'est probablement leur album là, avec les chansons les plus courtes. Là. Vraiment, c'est une moyenne de 3-4 minutes par pièce. Là. C'est vraiment très, très, très, très, très court. Mais c'était intéressant quand même comme expérience sonore. C'est quasiment de l'improvisation, carrément. Solide. C'est Explosions in the Sky. Et voilà. Dans la chronique, j'ai tout le temps pour une chronique. Ben oui. Ben j'ai eu le temps. Tout le temps. Ben oui, j'ai eu le temps. À date, ça va bien. Chaque semaine, il y a le temps. Oui. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Pas pire. Une fois même, peut-être qu'on n'aura pas le temps, puis là, on fera peut-être. Non. La fois où je dominerai une toune d'une demi-heure, là, vous m'arrêterez. Là. OK. Attends, il s'en vient. Éventuellement, il va y avoir du Godspeed You, probablement. Là. Fait que, faudrait essayer de choisir de quoi. Pas trop long. On va parler à la place de faire ta chronique par-dessus la chanson. Mais le pire, c'est que ça pourrait se faire. Comme un fond comme ça maintenant, ça fit très bien aussi comme fond. Fait, oui. Hey, écoute, tu viens peut-être de régler mon problème de Godspeed You que je voulais pas emmener parce que toutes les chansons intéressantes sont au-dessus de 20 minutes. Puis tu t'arranges pour que tes bouts parlés durent exactement le temps qu'il faut pour qu'il y ait un bout vraiment intéressant que là on monte le son. Et là là là, tu là, juste là, là c'est un défi. Là, il va tout défiler genre son texte. C'est du rap ça? Oui. Ouais, je vais rapper mon du flow. Ouais! Le pire, c'est que je présente du. Je sais pas si. Pour ceux qui vont écouter Dîner de con ce midi, je vais présenter du hip-hop. Donc, Hey, puis le don, justement, ta chronique au Dîner de con. Hein? Oui. La chronique s'appelle évidemment. C'est. Moi, je connais une chanson. Non. C'est ça? Non. Moi, je connais une chanson. Non, c'est la chanson thème, ça. Oui, c'est ça. Fait que je trouve super drôle. Non, c'est nouveau dans mon iPod. Oh! Donc, c'est juste des découvertes que je fais. Que j'ai faites. Je me donne, un jeu de 6 mois. À peu près. Okay. Donc, des découvertes que j'ai faites dans les derniers 6 mois. Idéalement, des découvertes que j'ai faites très récemment. Puis, je partage ça, tout simplement. T'es comme le petit point bleu à côté d'un podcast ou d'une chanson non écoutée sur, sur iTunes. Ah, je me demandais où tu t'en allais. Le petit point bleu. Oui. Des fois, il est à moitié. Tu allais les pastilles de saveur là, à SAQ. Je me demandais pourquoi. Non, mais t'accompagnes tellement... très bien nos matins et nos midis. Fait que, moi, je trouvais que j'ai pas de goût, mais... Ça me rassure. Oh. Il est plate, hein, parlant mal de lui-même. Oui, je sais constamment. Ouais. Donc, c'est les. On te retrouve lundi prochain à 9h à Assemblage Requis. Oui. Et sur l'heure du midi au Dîner de con, toujours le lundi. Toujours le lundi. Voilà. Mais voilà. Oui. Merci Maxime Tanguy. Hey, merci Mathieu Plante. Merci Jean-Philippe Charbonneau. Hey, merci à toi. Hey, écoute. Hein? Puis merci à Explosion in the Sky. Moi, j'ai écouté ça, je pense, en travaillant. Oui. Ouais. Ah, ça s'écoute bien. Ouais. Ouais. C'est bon. Oui. Good job. Oui. Bref, good job. Nous, on va se quitter. Ça va être pas mal la fin de notre émission pour aujourd'hui. C'est triste comme ça. Sur une musique aussi triste, hein? Ça fait-tu bien? Ça remet les sentiments à la bonne place. Ouais. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Toujours en direct à partir de 7h30. Et demain, à l'émission, on a Marie-Laurence Audet. Qui va être de retour, oui, avec sa chronique sur les loisirs. Ensuite, Anne-Julie Durocher et son sujet de la semaine dans l'index d'Anne-Julie. Et puis, en fin d'émission, Alexandra Carignan qui va nous mettre au courant dans sa chronique Le temps d'une culture. Intéressant. C'est demain, à partir de 7h30 en direct. Restez à l'écoute pour le dîner de con avec Denis Janvier, comme on l'a dit. Ensuite de ça, en après-midi, qu'est-ce qu'on a sur notre belle petite programmation? Les filles des précieuses ridicules commencent à 13h. Très bonne émission. Oui, j'adore ça. C'est tellement un bon concept. Écoutez-la pour vrai, l'émission, c'est très, très bon. Ensuite de ça, à 17h, je serai de retour avec Stéphanie Paradis pour la reprise quotidienne des Paméras Fous. C'est l'édition New Shit aujourd'hui. Oui. Ensuite de ça, à 19h, c'est le voyage de Célite. 20h, rock de neurones. Voilà pour la programmation. Allez-vous sur cifou.ca pour tout savoir. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Hein? Ben oui. Hein? On se quitte ça en musique? Comme tu veux. Oh, on a-tu du Nine Inch Nails? Oui. On pourrait finir avec ça. OK. Est-ce que quelqu'un veut me nommer une chanson de Nine Inch Nails? Copy of A. As-tu le dernier, en fait? Est-ce que c'est vraiment... Il date tout de 2010, max. Year Zero. Year Zero. OK, oui. Ouais, on va aller entendre... Attends, Survivalism. Survivalism. Le premier extrait. Bon, ben tiens là-dessus. Bonne fin de journée. Hey, à demain, Mathieu Plante. À demain. Oui. Salut. Salut, là. Hey. Just keep on.